yeux des gens se posent là. Je vois tout ce qu'ils pensent de moi. J'ai beau chercher, je comprends pas. Quand je montre enfin qui je suis, ça dérange, je change d'avis. J'avance un peu, mais je comprends pas. Je veux tout changer, tout mélanger. Je veux qu'on comprenne, c'est le temps des reines. Comme une bombe, je change. Je ne veux plus compter les secondes, ni risquer qu'une autre s'effondre. J'ai peur et je ne.